pas le temps. J'ai pas le temps pour être love. Je veux innover, faire des love et que tu crèves. Passe toi c'est pas un rêve, pousse-toi si t'es une caisse. On m'a dit assis-toi sur la chaise. Je suis resté debout et j'ai craché mes 16 sur l'instru comme sur tes 16. Sale pute, j'ai pas le temps, me dis pas que tu ardent dans le rap, toujours partant, je mets des claques, j'écris mes couplets, attends, je me démarque, et toi tu kiffes tes pendants, cependant, je fais du taf propre, mes couplets sont sales, je fais la gifle, seul tout compte tous dans la salle. Et je me bats pour les mêmes causes et les mêmes raisons. Et je kiffe quand ouvre ton coffre avec ma voix résonne devant personne, je me prosterne, je préfère creuser en ce qui me concerne, je gère ma fierté, ça pour du long terme, t'es ma je suis pas à terre, je gère mes couplets, les instrus, je gère avec Raidaz, on pèse les intrus, nous on les pèse. Dans la rue comme dans le sport, on vise le pif et on fourre comme des porcs. Approche ton pif, que je te montre mon hardcore. Les BN, je mets tout le monde d'accord. Je fais la gif et toi tu kiffes. Et tant que m'entends encore, je fais l'amour à la justice. Avec mon hardcore, 34, hardcore, Payas, hardcore, Raidaz, hardcore, et ça m'accepte et hardcore. J'ai pas le temps de m'arrêter à ce que tu fais, à ce que tu es. Raidaz, BN, on est bien trop rusé, t'es trop usé. Des critiques, je me suis battu, ah, j'ai encaissé. Mon écriture se met à peser, ah, je l'ai engraissé. Empressé, je te dis que j'ai pas le temps, je pas un mec patient, je connais une face poignante. Je me sens fort, c'est informé, que j'ai pas le temps de former, je suis formé, je reste formel. Toujours devant, donc pas le temps. Au jour le jour et je cours pour éviter les coups de bourre ainsi que les coups de coude. MC, pourquoi tu boudes? J'ai pas le temps de m'attarder, de m'amuser avec toi, de t'épater, de t'effacer dans ce que tu fais. J'ai le style qui plaît, ouais, j'ai le style qui paye. Raidaz, le mec pilote, mais le mec qui faut avec qui tu perds ta go. Recherché à un autre niveau à base d'hydro, bien basé à ce que j'en sais. Mais du rap français, jamais délaissé. Nous on les pèse dans la rue comme dans le sport. On vise le pif et on fourre comme des porcs. Approche ton pif, que je te montre mon hardcore. Les BN, je mets tout le monde d'accord. Je fais la gif et toi tu kiffes. Et tant que m'entends encore, je fais l'amour à la justice. Avec mon hardcore 34, hardcore Payas, hardcore Raidaz, hardcore. Et ça mixtape t'es hardcore. J'ai pas le temps, je t'explique. Des rimes, j'en ai à l'appel. Je dégaine trop vite, c'est pour ça que j'ai pas le temps de rêve. À tes appels avec Raidaz, c'est la même. On n'a pas le temps, mais on se ramène. T'écoutes et tu crées, amène. Tu boycottes pas et t'en demandes. J'ai pas le temps d'écouter, Jacques, t'es déjà que t'es. À côté de la plaque, tu vas jarter. T'écarter sur le bas côté, tu vas t'affoler. La salle step est bien arrivée. Différents stades sont alliés. La concu se met à prier. Nous, on les pèse dans la rue comme dans le sport. On vise le pif et on fourre comme des porcs. Approche ton pif, que je te montre mon hardcore. Les BN, je mets tout le monde d'accord. Je fais la gif et toi tu kiffes. Et tant que m'entends encore, je fais l'amour à la justice. Avec mon hardcore 34, hardcore Payas, hardcore Raidaz, hardcore. Et ça mixtape t'es hardcore.